Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de 93.6 sur les ondes de Radio Béton. On est ce soir en direct pour la dernière émission véritable de l'année 2023. On se retrouvera début janvier pour une nouvelle émission. Alors on ne sait pas encore à l'heure actuelle si la première de 2024 sera en direct ou en différé. Mais voilà, au passage, on vous glisse l'info, donc Hellbanger continuera bien en 2024 pour ça. 15e année, exactement, tout à fait. Nous sommes adolescents. Adolescents, oui. Hein, oui. Qu'est-ce que bah ce soir, émission en direct, donc des focus en veux-tu en voilà, des nouveautés en veux-tu en voilà. Il y aura des trucs particulièrement chouettes. Et pour le 24 et 31 décembre, histoire que ça blaste quand même sur le 93.6, on prévoira des petites émissions préenregistrées, voilà, avec des petits trucs quand même sympas à s'écouter, autour de la courgette farcie, ou avant de déballer les paquets, histoire de se savater un peu la gueule en famille. De toute façon, entre l'oncle raciste et... Bah, bref, vous m'avez suivi. Toujours est-il que... L'émission démarre tout de suite. Parlons-en de Savate dans la mâchoire avec une doublette de bien, bien, bien vieux groupes, Suffocation et No Turning Back. Suffocation, tout d'abord, les vétérans du Tech Death, Brutal Death, Proto Slam qui sortent un très, très bon nouvel effort studio, Hymn from the Apocrypha. Suffo ne se renouvelle pas, mais se sent de nouveau inspiré. Ce nouvel album qui fait suite à Of the Dark Light, qui était un peu passé inaperçu en 2017. Hein. Le dernier vraiment bon remonte à il y a 10 ans. C'était celui d'avant encore, Pinnacle of Bedlam. Pareil, un très très bon souvenir de celui d'avant encore, Bloodhouse. Voilà, Hymn for the Apocrypha. C'est une pure réussite pour Suffocation. Hein. Les patrons sont bien toujours présents au top. Et le groupe n'en finit plus de tourner à travers les quatre coins du globe. Facile de les avoir par chez nous. Ce nouvel effort est bien sûr déjà disponible, une sortie Nuclear Blast en doublette, le nouvel EP des vétérans du hardcore européen, les Hollandais de No Turning Back. Ils nous sortent là un nouvel EP avec au passage une petite signature chez Triple B Records. Ce nouvel EP s'intitule sobrement Conquer et on a une pochette bien old school dessus. Voilà, un petit 5 titres qui savate bien proprement. No Love for This World, le titre de No Turning Back, et juste avant ça, en ouverture pour l'émission de ce soir, Perpetual Deception pour Suffocation. Excellente début d'émission à toutes et à tous, c'est parti! Thank you. La suite nous fait voyager en Europe avec tout d'abord la Grèce pour Varas Ron, les vétérans du Black. Forcément, en termes de sonorité, on retrouve des inspirations à la Rotting Christ, hein, ce Black occulte bon, qui n'a pas le martial d'un Rotting Christ. Et à savoir que Varas Ron fait partie des groupes contemporains de la création de Rotting Christ et autres Necromancia, bien évidemment le trio des pionniers du Black en Grèce. The Crimson Temple, le nom de ce nouvel effort studio pour Varas Ron, une sortie Agonia Records. On s'écoutera le titre Cimmerian Priesthood. Et juste après ça, les Irlandais de Gamma Bomb, le groupe de trash explosif, qui commence à avoir une sacrée discographie depuis seulement 2005. Ce nouvel effort studio s'intitule sobrement Bats. Il est déjà dispo chez Prosthetic Records. Non, il est pas dispo ? Si ? Ah bon, d'accord. Ne dis pas non, sinon après je suis perdu. Don't Get Your Hair Cut, voilà le côté explosif. Les mecs se prennent pas au sérieux dans ce qu'ils racontent, mais dans leur manière de jouer, c'est extraordinaire. C'est parti, Varas Ron, Gamma Bomb. We'll be right back. ça aurait vraiment été incroyablement dommage de couper le morceau et de rater ces 4 dernières secondes. 20h25 à la pendule de Radio Béton, comme toujours quand on est en direct, comme toujours autant que possible, pardon, quand on est en direct, on démarre dès 20h, donc c'est pas vous qui êtes en retard, c'est pas nous qui sommes en avance, c'est le créneau horaire adapté. Et il est toujours à l'heure, il est toujours aussi beau, il est toujours aussi intéressant, on rejoint l'ami Thibaut, enfin non, c'est toi qui nous rejoins. Bonsoir. Bonsoir. Et tu vas nous parler de partage, d'amour, de tendresse et de passion. Non, encore une fois. Dommage. Je spoil, ce ne sera pas le cas de tous les focus de ce soir. Donc bonsoir à toutes et à tous. On va direction les États-Unis pour ce premier focus, plus précisément l'état du Delaware, pour un groupe qui s'est formé en 2015, Europe the Knife. Un groupe qui nous propose du metal hardcore, oserais-je dire du metalcore, je ne sais pas, mais en tout cas du metal hardcore, ça c'est sûr. Une grosse influence death et grind par-dessus un hardcore frontal et bien méchant. On est clairement dans la nouvelle vague des groupes états-uniens, donc la Jesus Peace ou Armsway. On est vraiment dans ce renouvellement qui est en train de s'opérer sur cette scène qui explose actuellement et qui nous propose des pépites les unes derrière les autres. Le groupe, il est très familial, car formé par les deux jumeaux, donc Andrew et Aaron, qui sont respectivement à la batterie et guitariste. Et Madison et son conjoint, donc la chanteuse et alors bassiste maintenant, car Madison a repris le chant, elle, en 2022. On est la première sortie suite au dramatique accident qu'ils ont eu au mois de juin cette année, oui. Jusqu'à dans une semaine, c'est cette année, c'était ça. Un peu plus de encore une semaine, ouais, mais c'est oui, ça. C'est ça. Ils ont eu un énorme accident de tourbus avec un poids lourd qui leur est rentré dedans. Alors, je ne sais pas dans quelles circonstances exactement, mais en tout cas, ils ont percuté un poids lourd. Ils ont tous été blessés avec des fractures multiples pour la majorité. Très grièvement en ce qui concerne donc, la chanteuse Madison qui a failli y passer et qui a fait un peu peur à la planète entière sur son état de santé. Oui, parce que colonne vertébrale sectionnée, diverses fractures, ouais, et trauma crânien, fractures dans tous les sens. Enfin, un bilan médical terrible concernant Madison. Donc voilà, c'est d'autant plus avec ce qui s'est passé, un plaisir de les voir produire quelque chose cette année, de les voir repondre un album qui, vous allez le comprendre, est de très bonne facture. Et on espère très rapidement les revoir sur scène, parce que ça aussi on en parlera, mais sur scène c'est quand même quelque chose à voir. Voilà, et c'est vrai que le groupe a repris les répètes au complet il y a quelques jours seulement. Donc Madison est sorti après 6 mois de convalescence hospitalière, après un coma, etc. Il y a encore des séquelles, mais elle a repris le chemin de la salle de répète et du micro, en leur souhaitant bien sûr tout le meilleur, puisqu'effectivement, comme vous allez le voir, ce nouvel album est très prometteur et on souhaite vraiment que le groupe puisse continuer sa carrière musicale. Voilà, donc petite info supplémentaire, il faut savoir que les membres du groupe, alors ils ont un side project tous ensemble, les 4 membres actuels du groupe, s'appelle Dimension Domain. J'ai pas plus accroché que ça personnellement dans ce qu'ils ont proposé, donc ils ont un EP qui est sorti, je sais plus, en 2018 peut-être. J'ai plus la date exacte, mais ils ont sorti un EP. Ils ont 2020, ouais, c'est ça. 2020, pardon. Et c'est un death bien cradingue, un peu teinté de hardcore. J'ai pas matché sur le premier EP, après à voir ce qu'ils proposeront par la suite, mais je sais que c'est pareil, ils ont repris un petit peu la compo pour ce projet-là depuis l'accident. Bon, sur cette note un petit peu tristounette, on va continuer donc sur la présentation de leur discographie. Entre 2016 et 2018, en fait, ils vont pendre 3 EP qui font pas plus de 10 minutes chacun. Faut pas déconner, parce que bon, c'est du hardcore dans cette veine-là. On a souvent des petits EP qui font 10 minutes, grand maximum. Tous ces EP, ils ont été compilés en 2019 sur une grosse compile qui fait une demi-heure. À noter donc que cette compile et l'album suivant, en fait, il y avait un autre chanteur, donc Tyler Mullen, qui a quitté le groupe en 2022. Meilleure chose qui soit arrivée à la formation, d'ailleurs. Ça a apporté un vent frais dans la formation. Alors, à noter, le mec, il est également dans Gridiron. Ouais, et toute récente formation, Scarab, également. Bon, rien à voir avec le groupe de Brutal Death égyptien. Mais voilà, il avait fait son temps dans Year of the Knife. Et meilleure chose qui soit arrivée au groupe, ce départ. Ouais, oui, je sais pas dans les circonstances dans lesquelles ils sont partis, mais d'un point de vue chant, ça faisait artistiquement taf. Artistiquement parlant, en tout cas, ça faisait le taf. Parce que ces premiers EP, ils sont franchement très très bons. Oui, mais c'est que je pense à ce qui a suivi après. Voilà. Donc, des EP très cool. Le groupe était clairement pas là pour rigoler. C'est bien vénère et sans concession. En 2020, consécration un petit peu du travail qui a été fait. Donc, un premier album, 30 minutes, de la violence pure et dure. Ça a clairement pas le temps, ça respire zéro. Et bah clairement, cet album, déjà de base, a mis à peu près tout le monde d'accord sur le fait que c'était un groupe à suivre. C'était vraiment l'album que tout le monde attendait, que tout le monde espérait, et Year of the Knife présent au rendez-vous, quoi. Clairement. Donc un album frontal, méchant comme il fallait. Et donc on attendra 3 ans pour ce nouvel album qui s'appelle No Love Lost. C'est toujours aussi méchant, c'est bien plus massif et peut-être un petit peu moins étouffant du coup. Parce que ça prend beaucoup plus de mid-tempo, là où l'autre était plus agressif, un peu plus orienté grindcore peut-être dans son approche. Là, on a un aspect death qui apparaît un petit peu plus présent. Et surtout, on a le chant de Madison qui prend le micro pour la première fois sur un album et qui a un chant qui est dégoulinant et cradingue comme c'est pas permis. Elle a un glavio dans la gorge qu'elle a envie de cracher sur les premiers rangs, ça se sent dans son interprétation des morceaux. Et ouais. Clairement, c'est pour moi la meilleure chose qui soit arrivée au groupe, c'est ce changement de chanteur parce que elle apporte un vent complètement nouveau et une dimension cradingue au possible sur l'album. Ça fonctionne de ouf. C'est toujours aussi direct, toujours aussi frontal. C'est 20 minutes vraiment de violence, mais alors pure et dure pendant. Ouais, 20 minutes du coup. Voilà, c'est clair. Accompagné de quelques guests, on aura notamment Dylan Walker, donc l'excellent chanteur de Full of Hell. Le groupe également états-unien, si je dis pas de bêtises, oui. qui nous propose du power violence, grind death, de la délicatesse et de l'amour pur et dur. Allez écouter ce groupe, c'est génial. Et on a également Devin Swank qui nous vient de. Alors, c'est là où je vais pleurer. Sanguisugabog. Je pense que j'ai pas écorché. Non, moi, c'était sa ville d'origine que j'aurais aimé que tu me donnes. Non, mais ça, c'est bon, j'ai pas vu. Donc, merci. Un groupe de death bien peintre, bien pâteau, bien lourdingue. Pas ma came plus que ça, mais voilà, il vient pousser un petit peu la chansonnette également sur l'album. Que dire de plus? Allez écouter l'album et allez les voir en live, parce qu'en live c'est quelque chose quand même. Surtout, ouais. Dès que l'occasion se représentera, aller les voir en live, littéralement, Year of the Knife a été coupé en plein élan. Bon, bien sûr, leur terrible accident, c'était dans le cadre d'une tournée. On a eu la chance de les voir, mais bon, c'était sur la grosse scène Warzone du Hellfest. Year of the Knife, faut les voir en salle, à jauge bien plus réduite, bien plus intimiste. Mais on a eu une belle démonstration quand même. Cependant, avec effectivement. Une patate sur scène et un enchaînement de 3 concerts que Madison a fait, où elle Voilà. allait pousser un petit peu le chant aussi sur Judiciary et aussi sur Terror. Exactement, elle avait beaucoup de mal à quitter la scène. Year of the Knife, tous les Icos sont ultra énergiques sur scène et Madison tranche terriblement parce qu'elle est ultra énergique, comme tu l'as dit, ultra vénère. Et en même temps, elle a toujours ce sourire très enfantin qui lui barre le visage. Et elle dégueule sa haine et sa rage. Bon, le nouvel effort studio en termes de texte est encore plus vindicatif que le premier sur plein de sujets qui leur tiennent à cœur. C'est un groupe dans la mouvance Strategy, donc ce qui ajoute encore plus à leur colère et à leur conviction. Voilà, poncez-le cet album comme je l'ai poncé, comme nous l'avons poncé, parce que c'est une des plus grandes réussites en termes de hardcore de cette année 2023. Musique? Ouais, le titre éponyme de l'album, No Love Lost, le titre qui clôture l'album avec méchanceté. C'est parti. Right. La suite, doublette suivante, deux groupes extrêmes dans deux registres complètement différents. Cranium, tout d'abord, le groupe de Brutal Slam Death qui nous vient du nord de l'Europe, on va dire, originellement de Norvège, mais maintenant ça nous vient un petit peu des quatre coins nordistes de l'Europe. Ils viennent de sortir un très très bon Sculpture of Vicennial Defilement. Très très bon nouvel effort studio pour Cranium. Une sortie au passage chez Unique Leader, un petit signature, un petit level up. Internally Purified with Scorching Iron, c'est le titre qu'on va s'écouter tout d'abord. Puis Midnight Odyssey, le groupe qui nous vient d'Australie. En blanc, black metal, un peu épique, un peu symphonique. Voilà, de plein d'inspirations différentes. Biolume Part 3, Full Moon Madness. Ce nouvel effort studio est hyper ambitieux. Il dépasse les 2 heures de musique. Une sortie Voidanger Records. Très bel artwork au passage. Midnight Odyssey, l'album est très bon, comme le précédent, si l'on peut dire. Sauf que le précédent faisait déjà 1h45. Je l'avais écouté, j'ai fait « Waouh ». Et j'avais bugué dessus, je me l'étais écouté en boucle pendant un bon petit moment. Ce nouvel album, malheureusement, tombe dans le piège des longueurs et de certaines redondances, mais ça reste un énorme pavé plaisant à écouter. Puis bon, il faut avoir 2 heures devant soi, parce que c'est toujours un peu chiant de couper une écoute aussi riche et qualitative en plusieurs étapes. Midnight Odyssey, donc The Long Forgotten Dead, extrait du nouvel effort studio, déjà disponible, c'est parti. We'll be right back. 20h53 à la pendule de Radio Béton, toujours à l'écoute de l'émission Hellbanger, doublette suivante avec la première nouveauté dans l'émission de ce soir. Xibalba, les plus mexicains des coreux ricains, ils nous viennent de Californie, ils nous sortent non pas un album mais un EP. Un EP surprise, c'est vrai qu'on a été très surpris, agréablement. De découvrir l'annonce, la sortie de cet album, de EP, pardon. Une sortie Close Casket Activities, un petit 4 titres, intitulé Aztlan. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Le son est ultra raw. Ça va vraiment chercher dans du hardcore très très très crado en termes de sonorité. Le riffing est toujours aussi puissant et efficace. Et le chant vraiment crado et baveux. Aztlan, nouvelle EP donc de Xibalba. On s'écoutera l'utiliser The Place of Fear. Et avec ça, Cruciamentum, groupe de death baveux qui nous vient à moitié d'Angleterre, à moitié des US. Obsidian Reflection, c'est le nom de ce second effort studio. Très très bonne découverte de Death, Black and Death, Cruciamentum, Abhorrence Evangelium, et c'est une sortie Profound Lore Records.